Ésaïe chapitre 30. Malheur aux enfants revêches, dit l'Éternel, qui prennent conseil, et non pas de moi, et qui se forment des entreprises, et non point par mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché. Qui sans avoir interrogé ma bouche, marchent pour descendre en Égypte, afin de se fortifier de la force de Pharaon, et se retirer sous l'ombre d'Égypte. Car la force de Pharaon vous tournera à honte. Et la retraite sous l'ombre d'Égypte vous tournera à confusion. Car les principaux de son peuple ont été absents, et ses messagers sont parvenus jusqu'à Anay. Tous seront rendus honteux par un peuple qui ne leur profitera de rien, ils n'en recevront aucun secours, ni aucun avantage, mais il sera leur honte et leur opprobre. Les bêtes seront chargées pour aller au midi, ils porteront leurs richesses sur les deux des ânons, et leurs trésors sur la bosse des chameaux, vers le peuple qui ne leur profitera point, au pays de détresse et d'angoisse, d'où viennent le vieux lion et le lion, la vipère, et le serpent brûlant qui vole. Car le secours que les Égyptiens leur donneront, ne sera que vanité et qu'un néant, c'est pourquoi j'ai crié ceci, leur force est de se tenir tranquille. Entre donc maintenant, et l'écris en leur présence sur une table, et le grave dans un livre, afin que cela demeure pour le temps à venir, à perpétuité, à jamais. Que c'est ici un peuple rebelle, des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Qui ont dit aux voyants, ne voyez point, et à ceux qui voient des visions, ne voyez point de visions de justice, mais dites-nous des choses agréables, voyez des visions trompeuses. Retirez-vous du chemin, détournez-vous du sentier, faites cesser le Saint d'Israël de devant nous. C'est pourquoi, ainsi a dit le Saint d'Israël, parce que vous avez rejeté cette parole, et que vous vous êtes confié en l'oppression, et en vos moyens obliques, et que vous vous êtes appuyé sur ces choses. À cause de cela, cette iniquité vous sera comme la forme d'une muraille qui s'en va tomber, faisant ventre jusqu'au haut, de laquelle la ruine vient soudainement, et en un moment. Il la brisera donc comme on brise une bouteille d'un potier de terre qui est cassée, laquelle on n'épargne point, et des pièces de laquelle ne se trouverait pas un thé pour prendre du feu du foyer, ou pour puiser de l'eau d'une fosse. Car ainsi avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, en vous tenant tranquille et en repos vous serez délivrés, votre force sera en vous tenant en repos et en espérance, mais vous ne l'avez point agréé. Et vous avez dit, non, mais nous nous enfuirons sur des chevaux, à cause de cela vous vous enfuirez. Et vous avez dit, nous monterons sur des chevaux légers, à cause de cela ceux qui vous poursuivront seront légers. Mille d'entre vous s'enfuiront à la menace d'un seul, vous vous enfuirez à la menace de cinq, jusqu'à ce que vous soyez abandonnés, comme un arbre tout ébranché au sommet d'une montagne, et comme un étendard sur un coteau. Et cependant l'Éternel attend pour vous faire grâce, et ainsi il sera exalté en ayant pitié de vous, car l'Éternel est le Dieu de jugement. Oh, que bienheureux sont tous ceux qui se confient en lui! Car le peuple demeurera dans Sion et dans Jérusalem, tu ne pleureras point, certes il te fera grâce, sitôt qu'il aura ouï ton cri, sitôt qu'il t'aura ouï, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain de détresse, et de l'eau d'angoisse, mais tes docteurs ne s'envoleront plus, et tes yeux verront tes docteurs. Et tes oreilles entendront la parole de celui qui sera derrière toi, disant, c'est ici le chemin, marchez-y, soit que vous tiriez à droite, soit que vous tirez à gauche, et vous tiendrez pour souillés les chapiteaux des images taillées, faites de l'argent d'un chacun de vous, et les ornements faits de l'or fondu d'un chacun de vous, tu les jetteras au loin, comme un sang impur, et tu diras, videz-le dehors. Et il donnera la pluie sur tes semailles, quand tu auras semé en la terre, et le grain du revenu de la terre sera abondant, et bien nourri. En ce jour la ton bétail paîtra dans une campagne spacieuse. Et les bœufs et les ânes qui labourent la terre, mangeront le pur fourrage de ce qui aura, été banné avec la pelle et le ban. Et il y aura des ruisseaux d'eau courante sur toute haute montagne, et sur tout coteau haut élevé, au jour de la grande tuerie, quand les tours tomberont. Et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera cette fois aussi grande, comme si c'était la lumière de sept jours, au jour que l'Éternel aura bandé la froissure de son peuple, et qu'il aura guéri la blessure de sa plaie. Voici, le nom de l'Éternel vient de loin, sa colère est ardente, et une pesante charge, ses lèvres sont remplies d'indignation, et sa langue est comme un feu dévorant. et son esprit est comme un torrent débordé, qui atteint jusqu'au milieu du cou, pour disperser les nations d'une telle dispersion, qu'elles seront réduites à néant, et il est comme une bride aux mâchoires des peuples, qui les fera aller à travers champs. Vous aurez un cantique, tel que celui de la nuit en laquelle on se prépare à célébrer une fête solennelle, et vous aurez une allégresse de cœur, telle qu'à celui qui marche avec la flûte, pour venir en la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. Et l'Éternel fera entendre sa voix, pleine de majesté, et il fera voir où aura sonné son bras dans l'indignation de sa colère, avec une flamme de feu dévorant, avec éclat, tempête, et pierre de grêle. Car l'Assyrien, qui frappait du bâton, sera effrayé par la voix de l'Éternel. Et partout où passera le bâton enfoncé, dont l'Éternel l'aura assené, et par lequel il aura combattu dans les batailles à bras élevés, on y entendra des tambours et des harpes. Car Toph était déjà préparée, et même elle est apprêtée pour le roi, il l'a faite profonde et large, son bûcher c'est du feu, et force bois, le souffle de l'Éternel l'allumant comme un torrent de soufre.